Vous nous écoutez depuis Bujumbura. Bonjour, c'est le moment de suivre la grande édition de la mi-journée, dont voici d'abord la charpente. 7% est la note qu'a le Burundi dans le rapport d'International Budget Partnership qui passe à la loupe la transparence budgétaire dans le monde entier. Dans ce journal, vous aurez les explications du président de la PARSEM pour ce qui est de cette note. Cela fait plus d'un mois que les enfants de la cinquième année de la colline Gitanga en province Bubanza viennent de passer sans étudier. Ce problème est provoqué par le manque d'enseignants à cette école. 4 personnes sont mortes dans différentes localités du Burundi. Une à coup de bâton à Bubanza, une autre poignardée à Bururi et 2 autres ont été emportées par une grenade. Et le reportage du jour nous mènera dans la province de Makamba où on va parler des maisons construites sur les rives du lac Tanganyika. Le développement de ces titres, c'est tout de suite. La mise en onde est assurée par Jimmy Ange Ndaitero. La radio de l'avenir. Bienvenue encore. Le manque de transparence budgétaire est à la base du mauvais classement qu'a le Burundi dans le rapport d'International Budget Partnership sur la transparence budgétaire dans les pays du monde pour l'année 2017. Le Burundi a eu 7%. C'est ce qu'indique Faustin Dikoumana, président du Parole et Action pour le réveil des consciences et évolution des mentalités, PARSEM. Dans une conférence de presse ce lundi, Faustin Dikoumana précise que la gestion des exonérations et le manque de bâtiments propres à l'État restent encore des défis à relever en matière de transparence budgétaire. On l'écoute. Et normalement, ici, on constate que la transparence budgétaire semble se limiter à la publication des chiffres des montants collectés par le pays. C'est nous qui donnons de l'argent à le pays. On nous communique notre contribution au trésor. Alors, en retour, qu'est-ce que nous bénéficions comme rapport pour savoir comment notre argent est en train d'être utilisé, comment il est géré? C'est d'abord les exonérations. Si on analyse la récente publication des exonérations, des exonérations de 46 milliards dans les journaux, on ne comprend pas comment le niveau des exonérations octroyées, police, armée, même du gouvernement parlementaire, les administratifs, peut aller à un niveau dépassant 50%. C'est pour cela que nous demandons une enquête vraiment qui devait être commandée par la Cour des comptes et l'Inspection générale de l'État pour voir les gens qui bénéficient des exonérations dans son pays. Parce que finalement, l'exonération, si elle n'est pas bien gérée, elle se transforme en une fraude délégalisée. Deuxièmement, c'est le budget citoyen. À quel niveau le citoyen peut avoir connaissance sur ce qu'on appelle le programme d'investissement public, les investissements en cours? Normalement, le budget citoyen, c'est un petit document simplifié qui montre la traçabilité de certains travaux publics, des investissements qui doivent être réalisés au cours de l'exercice budgétaire. Comment vérifier physiquement ce qui est prévu dans l'objet étant d'être réalisé? À quel niveau? Quelle qualité des biens ou des services? Et troisièmement, on devait interpréter la conscience sur la gestion des fermes, surtout de location des immeubles et des bureaux de l'État. Comment est-ce que l'État continue à louer des immeubles qui appartiennent à des cadres, des anciens cadres de l'État? Pourquoi l'État ne continue pas se donner comme priorité d'investir dans les immeubles pour certains, surtout pas pour des institutions prestigieuses? Et dans la politique du charroi de l'État, il faut l'évaluer. Et donc, on nous interpréter la conscience actuellement, vraiment, gouvernement, parlement, les citoyens, de servir contre ces partis, rendre compte par rapport à la gestion de ces deux politiques. Sinon, un pays pauvre, le minimum, c'est de gérer rationnellement le peu qu'il a, dans la transparence totale. Les usagers des téléphonies mobiles et ordinateurs doivent utiliser les mots de passe pour éviter une intrusion d'une personne tierce. Ce conseil est de Diego Nifacha, consultant en cybercriminologie. Il indique que l'utilisation des mots de passe est un moyen de protection des données personnelles. Il ajoute également que les lois sont là pour protéger les individus de la cybercriminalité. Suivez Diego Nifacha. Que la population est très mal informée. Au niveau des entreprises, nous avons encore des lacunes au niveau de la formation du personnel sur la sécurité des systèmes informatiques, alors que la plupart des cybercrimes ne se commettent pas nécessairement via le personnel informatique. Vous pouvez avoir une secrétaire de direction qui arrive avec une clé USB qui est infectée de virus, elle la branche et ça infecte toute l'entreprise ou toute l'institution. Qu'est-ce qui devrait être fait pour se protéger de la cybercriminalité? La toute première des choses, c'est la sensibilisation de la population, la sensibilisation au niveau des entreprises qui doivent mettre en place des systèmes de management de la sécurité informatique. Du côté du gouvernement, il faut qu'il y ait l'opérationnalisation des textes juridiques qui sont déjà en cours de préparation, mais il faudrait accélérer la mise en place de ces textes pour protéger la population, protéger les entreprises. Un individu peut se protéger comment ? La première des choses, il faut être prudent. Et s'il faut une double identification, si vous devez recevoir un SMS pour vous identifier sur votre adresse email, pour les mots de passe, donc savoir comment est-ce qu'on peut définir un mot de passe. Il ne faut pas laisser traîner n'importe où un ordinateur qui contient des informations sensibles. Il faut aussi savoir qu'il faut sécuriser vos données, prendre ses précautions parce que la cybercriminalité prend de l'ampleur. Ça va au-delà des données personnelles, ça touche aussi les systèmes financiers. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Le journal continue sur la radio Isanganiro. Une personne a été tuée au cours de cette nuit à coups de bâton sur la colline Buhororo de la commune et province Bubanza. Les témoins sur place indiquent qu'il s'agit de 3 voleurs qui ont été poursuivis par les gens de la place. 2 de ces bandits ont parvenu à échapper. Le 3e qui a été attrapé a été frappé jusqu'à succomber. François Kazovio, administrateur de la commune Bubanza, confirme les faits et précise que les enquêtes sont en cours afin de sanctionner ces personnes qui se font justice. Une jeune fille d'Omemba en commune Songa de la province Bururi a été tuée, poignardée l'après-midi de ce dimanche à Kigama dans cette même commune selon les sources sur place. Cette information est confirmée par la police à Bururi. Le présumé auteur de ce crime est un coiffeur opérant à Kigama toujours et qui fut son copain. Il a été évacué à l'hôpital puisqu'il s'est lui-même poignardé au ventre. Il est sous surveillance policière et pourra être traduit en justice selon les sources du commissariat de police à Bururi. 2 personnes sont mortes et 21 autres blessées dans la soirée de ce dimanche par une grenade lancée par une personne non encore connue. L'incident a eu lieu sur la colline Wirohe de la zone Gitega rurale en commune province Gitega. Les habitants de cette localité se disent inquiètes pour leur sécurité. L'administrateur de la commune Gitega a demandé à cette population de dénoncer aux administrateurs et aux agents de la sécurité toute personne étrangère. Arthur Kavaouchi. Selon un propriétaire d'un kiosque se trouvant sur cette colline Wirohe qui était la cible de cet attentat à la grenade, c'était vers 19h10 quand un homme non encore connu est venu et a lancé la grenade tuant une personne sur le champ et blessant beaucoup d'autres personnes qui sont à l'hôpital régional de Gitega pour recevoir des soins. La population de cette localité nous a fait savoir qu'une vieille dame est morte sur le champ et que 22 autres personnes ont été blessées. Cependant, un policier qui était parmi les blessés est mort ce matin à l'hôpital et une autre personne a été transférée à l'hôpital de Kibouye dans la commune de Bukirasazi pour continuer à y recevoir des soins. Cette population indique que rien n'a été volé et que la police est arrivée sur les lieux la nuit même et qu'une fouille et perquisition a été faite mais aucune arme n'a été trouvée et que même l'auteur de ce crime est en train d'être recherché. Cette population affirme qu'il y a une bonne cohabitation, mais qu'ils ont peur pour leur sécurité, étant donné que dans cette localité, beaucoup de grenades se font entendre souvent. L'administrateur communal de Gitega, Valentin Nahimana, s'est rendu à Wirohe le matin de ce lundi et il a demandé à la population de rentrer tôt et de dénoncer toute personne étrangère à l'administration et aux agents de sécurité, mais aussi mettre dans les cahiers les noms de ceux qui logent. Depuis Gitega, Arthur Kavaouchi pour la radio Isanganiro. Captez Isanganiro, écoutez la différence. 13h05 à Bujumbura, parlons éducation à présent. Les activités ont été suspendues depuis jeudi de la semaine passée à l'école privée lycée technique Charama, se trouvant dans le quartier Gatunguru de la mairie de Bujumbura. Les enseignants de cette école disent que la cause de cette grève est le retard du salaire du mois de mai. Leur directeur les tranquillise en affirmant qu'il est au courant de la situation et que ce problème sera résolu dans les meilleurs délais. Rendons-nous dans la province Bubanza où il y a grogne chez les parents de la colline Gitanga de cette commune et province de Bubanza. Ils disent que leurs enfants de la cinquième année viennent de passer plus d'un mois sans étudier suite au manque d'enseignants. Le bénévole qui les aidait auparavant a abandonné parce qu'il n'a pas eu ses primes d'encouragement, comme l'indique le représentant des parents. De son côté, le directeur de l'Ecofor Gitanga dit qu'il s'arrange pour occuper les élèves en attendant que ce problème soit résolu. Correspondante de Space Caritas, Kabanyana. Ces parents de la colline Gitanga, dans la commune de Vuvanza, se lamentent et se demandent comment leurs enfants de la cinquième année pourront terminer l'année scolaire puisqu'ils ne sont pas en train d'étudier actuellement. Un enseignant bénévole qui tenait cette classe a abandonné. Les frais de prime d'encouragement ne lui ont pas été donnés selon les témoins sur place à Gitanga. Ces parents qui disent avoir donné les 500 francs par élève et par trimestre pointent du doigt le directeur de cette école et l'accusent de ne pas vouloir donner ses primes à cet enseignant bénévole. De son côté, Emine Daïsimie, directeur de l'Ecofo Gitanga, accuse à son tour certains parents qui ne veulent pas donner cette contribution pourtant convenue en Assemblée générale des parents. Ils reconnaissent cependant que l'école doit 200 000 francs à cet enseignant bénévole qui n'est pas au service aujourd'hui suite à ses impayés. Le responsable scolaire tranquillise cependant les parents et précise qu'il essaie de faire avancer le programme de cette classe de cinquième année et que ses élèves pourront terminer l'année scolaire sans problème. Le manque d'enseignants, ce n'est pas seulement à l'école fondamentale de Gitanga, mais c'est sur beaucoup d'autres écoles de cette province de Vuvanza. Seulement 54 nouveaux enseignants ont été dernièrement engagés, alors qu'on en avait besoin plus de 500 dans toute la province selon les données disponibles à la direction provinciale de l'enseignement de cette province. Space Caritas Kabanyana, Vuvanza, Radio Isanganiro. Merci Space pour cette correspondance. Il existe encore des employés de la fonction publique qui perçoivent des salaires alors qu'ils ne sont plus en fonction. C'est la confirmation de la secrétaire permanente au ministère de la fonction publique et de l'emploi dans un atelier d'élaboration de nouvelles stratégies de gestion des effectifs et de la masse salariale. Marie-Rose explique que ces fonctionnaires fictifs sont dus aux employeurs qui ne dressent pas les rapports de ceux cela est dû aux employeurs qui ne dressent pas les rapports de ceux qui ne travaillent plus. Elle rassure qu'après la classification des emplois, suivra la mise en application de l'harmonisation des salaires. On l'écoute. Le gouvernement du Burundi a mis en place un programme national de réforme de l'administration publique en 2012. Et ce programme a des actions qui visent à mieux gérer les ressources humaines de l'État. Ce qu'on remarque sur le terrain, on voit que ce soit au niveau des gestionnaires de ressources humaines, qui sont justement ces directeurs provinciaux, on voit qu'ils ne suivent pas rigoureusement la mise en œuvre du statut général des fonctionnaires. Il y a des fois que certains gestionnaires de ressources humaines prennent des sanctions à l'endroit du personnel sur leurs responsabilités, jusqu'à ce qu'on suspende même les salaires de ces fonctionnaires. On remarque qu'il y a des fonctionnaires qui suspendent leurs activités ou pour cause de mise en disponibilité ou de décès, ou parfois quand ils sont nommés pour d'autres fonctions. Mais la fonction publique qui centralise la gestion des ressources humaines n'est pas informée à temps. On n'a pas encore fait l'inspection dans tous les services de l'administration publique. On a seulement fait l'inspection dans certains ministères, comme le ministère de la Santé publique et le ministère de l'Éducation. Et sur un effectif de 2000 fonctionnaires inspectés, on a pu remarquer qu'il y a plus de 600 fonctionnaires qui continuaient à percevoir des salaires indûment. On va mettre en place une stratégie de classification des emplois parce qu'on aura déjà maîtrisé les effets. Ça sera alors une base pour mettre en place une politique salariale équitable au niveau de l'administration publique. Parlons sport à présent. Le championnat national de football féminin est à sa 12e journée fin de week-end. La formation de Fofila PF d'Ngozi vient toujours en tête du classement provisoire avec 34 points. C'est après avoir battu 9-0 l'équipe de Christ-Roi. En basketball, le week-end a été marqué par la compétition des meilleurs joueurs provenant des équipes différentes surnommées All-Star Game. L'été avec Namia Ndaikeje. Ce dimanche 10 juin, le championnat de football côté féminin au niveau national a continué dans sa 12e journée. L'équipe PVP Buyendi a battu l'équipe Rainbow 4-1. La formation 11 étoiles a été battue par la Colombe FC 5-0. L'équipe de Lyon Star a égalisé 1-0 avec l'équipe Ubuntu FC et Fofila PF Dongozi a corrigé la formation Chris Roy de Gitega sur le score fleuve de 9-0. La formation Fofila FC occupe provisoirement la première place du classement avec 34 points. PVP Buyendi vient en deuxième place avec 31 points. La troisième place est occupée par la Colombe FC avec 22 points et la quatrième Rainbow par 16 points. La huitième place, qui est la dernière, revient à la formation 11 étoiles avec 1 point. En basketball, ce dimanche s'est déroulé un concours surnommé All-Star Game où différents joueurs provenant dans les différentes équipes et diverses disciplines en basketball étaient en compétition. Côté garçon, l'équipe de Jean a battu l'équipe de Elvis sur un score de 71-63. Côté fille, l'équipe de Belize a été battue par l'équipe de Vera sur un score de 63-42. Dans ce concours, le meilleur joueur et meilleur marqueur a été Jean Hakidima Anna de l'équipe Dynamo côté garçon et Gaki Magislaine côté fille de l'équipe Berkostar. À la source, reportage. Plus de 30 maisons construites sur les rives du lac Tanganyika sous la colline Mvougo en commune Nyanzalac ont été détruites par les eaux du lac débordé. Lorsque les victimes de cette augmentation d'eau du lac plaident pour une assistance pour reconstruire leurs maisons en majorité des kiosques, l'administration communale leur ordonne de vider les lieux sans condition car ils occupent cette place en violation de la loi, dit la commune. Placide Nyomungede pour plus de détails. Nous sommes précisément sur la plage de Mvougo, où sa grande partie est occupée par l'eau du lac Tanganyika. Sur terre se trouvent des pirogues, certaines détruites. Sur cette rive, les vagues tapent sur les murs des maisons érigées, alors que d'autres infrastructures sont déjà envahies, un grand nombre composé de kiosques. La population sur place indique que cette augmentation de l'eau date de la saison des pluies. Nous connaissons cette situation il y a environ 2 mois. Depuis le mois d'avril, l'eau n'a jamais cessé d'augmenter en détruisant les maisons sur sa rive. Jusqu'aujourd'hui, à cause des fortes vagues, le nombre des maisons détruites augmente aussi. Vous comprenez que les gens qui exerçaient le commerce n'ont plus à faire. Selon Rondalbert, chef collinaire de Mvougo, beaucoup de kiosques ont été démolis. Alors que Mvougo n'a pas de marché, une place devrait être préparée pour les commerçants pour éviter qu'ils campent le long de la route à risque des accidents, ajoutait-il. Beaucoup de maisons sur le littoral ont été détruites. La place dans laquelle on vendait le poisson a été scindée en 2 parties et les commerçants occupent l'autre partie qui n'était pas prévue. Mvakwe Gwashabani, en 60aine de cette colline Mvougo, trouve non alarmant que le lac détruit les maisons sur son littoral. Il compare cette eau à une personne qui vient réclamer sa propriété. Si le propriétaire d'une portion vient réclamer sa terre, est-ce qu'il y a à revendiquer? C'est nous, la population, qui faisons du mal au lac, car nous cherchons des espaces à occuper et le lac ne fait qu'assister en attendant qu'il réclame sa terre. Je demanderai aux perdants de chercher d'autres espaces ailleurs. Alors que les victimes de cette eau plaident pour une assistance pour réhabiliter leurs bâtiments et objets détruits, la commune Nyanzalake ne l'entend pas de cette oreille. Siawezi Oscar, le conseiller chargé du développement, demande à cette population de quitter cet endroit sans préalable. Selon lui, ils occupent cet endroit illégalement. La mesure est bien prise parce que savez-vous que ces gens se trouvent dans les 150 mètres protégés par le lac Tanganyika. Alors nous avons une seule mesure, mais c'est de quitter l'endroit parce que l'endroit appartient à l'État. Nous allons exiger de partir. Ça veut dire qu'il y aura l'usage d'une force. Exactement. La commune Nyanzalake brosse un bilan de plus de 30 maisons qui ont été démolies par saison du lac Tanganyika suite à son augmentation. Merci Placide pour ce reportage. Merci également, chers auditeurs, de nous avoir prêté une oreille attentive. Voilà, c'est l'heure de nous quitter. Je vous dis au revoir, mais le programme continue sur la radio Isanganiro. Duhani jambo. Kubera ikiganiro kidasanzwe kiza kuba uyu munsi, ikiganiro Duhani jambo muzaho gikurikirana gihe cy'isaha 8 zuzuye neza. Duhani jambo. Murahawe.